Merci pour votre fidélité à nos ondes. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, à l'écoute de ce journal. Voici tout de suite les grands titres. Certains habitants de la province de Bubanza se lamentent de la montée des prix des produits de première nécessité sur le marché. Ils donnent l'exemple d'un kilogramme de haricots dernière qualité qui était à 2500 francs burundais le mois passé et qui coûte aujourd'hui 3500. L'organisation En Parole et Action pour le réveil des consciences et évolution des mentalités par SEM trouve que la culture des avocatiers ne peut pas être une solution à la rareté de devises dans le pays, comme l'a récemment déclaré le secrétaire général du parti au pouvoir. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Et les jeunes sont appelés à être caractérisés par le véritable amour, comme l'ont témoigné les 40 jeunes séminaristes de Bouta devant les assaillants. Cet appel a été lancé ce dimanche, c'était à l'occasion de la célébration du 27e anniversaire de l'assassinat de ces jeunes du petit séminaire Saint-Paul de Bouta qui avaient refusé de se séparer Hutu et Tutsi. Voilà pour le sommaire. À la présentation, vous êtes avec Doré Bingabide, François Akimana sur la mise en onde. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bienvenue encore. Certains habitants de la province de Bubanza se lamentent des prix élevés des produits de première nécessité sur le marché alors qu'ils ont des moyens limités. Ils donnent l'exemple d'un kilogramme de haricots dernière qualité qui était à 2500 francs burundais le mois passé qui coûte aujourd'hui 3500 et un kilogramme de pommes de terre qui était à 1500 qui coûte 2000. Les commerçants expliquent que ces produits grimpent suite au manque de carburant. Mais au niveau de l'administration, l'on explique que c'est dû à la rareté de certains produits comme le haricot sur le marché car les récoltes n'ont pas été bonnes suite aux pluies intenses. Spes Caritas Cabagnana. Les habitants des communes de Manda et Gihanga nous ont signalé que les produits de première nécessité ne cessent de grimper de prix sur différents marchés. C'est par exemple le haricot qui coûte de 3500 francs à 4000 francs le kilo alors qu'il s'achetait à 2500 francs le mois passé. Un kilo de bonne qualité coûte 6000 francs à 7000 francs selon la même source. La pomme de terre qui coûtait 1500 francs le kilo le mois passé s'achète actuellement à 2000 francs le kilo. Certaines familles disent qu'elles ne sont plus en mesure de nourrir leurs enfants suite aux prix élevés sur les marchés alors que leurs moyens sont limités comme elles le disent. Les commerçants contactés disent que souvent les prix montent suite au manque de carburant car les transports coûtent énormément cher actuellement. Du côté de l'administration, on reconnaît que les récoltes de haricots n'ont pas été bonnes pour la saison culturelle à cause des pluies intenses. Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune Gihanga, reconnaît cependant que les productions de maïs ont été bonnes et appelle la population à une bonne gestion et à ne pas gaspiller leurs récoltes vers les marchés. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci, Spes. Le parti FNL demande au gouvernement de prendre des mesures nécessaires afin de régler la situation de pénurie des devises. C'était ce samedi à Gitega dans un communiqué de presse après la clôture d'une retraite qui a rassemblé les responsables de ce parti au niveau national et leurs représentants dans les provinces et communes. Jacques Wigilimana, président de ce parti, explique que cette pénurie entraîne la montée des produits de première nécessité. Il appelle le gouvernement de continuer le dialogue avec les partenaires au développement pour trouver ce à ce problème, on l'écoute. Des pénuries de produits de première nécessité, à savoir le carburant, le sucre et produits de la braroudie, sans oublier la montée très sensible des prix des denrées alimentaires, surtout à mairie de Bujumbura et dans les centres urbains des provinces du pays où la population souffre encore plus. Toutes ces pénuries et montées des prix sont causées par la carence des devises qui, depuis un certain temps, se font très rares dans notre pays, aggravant encore plus la crise économique déjà présente. Face à tous ces problèmes qui surviennent au même moment, la population se décourage, elle perd espoir. Certains se demandent jusqu'où cette situation va les amener. Beaucoup de gens se lamentent en silence ou même à haute voix. Cherchent des boucs émissaires ou des responsables de cette grave situation. Tandis que d'autres cherchent à fuir de cette misère sans trouver de destination. Nous exhortons la population à rester sereine et lucide. de ne pas surtout prêter l'oreille à tous ceux qui profitent de cette situation pour propager des rumeurs et de fausses informations de nature à décourager ou à révolter nos concitoyens, des gens en difficulté. Le parti FNR exhorte le gouvernement à prendre certaines mesures politiques nécessaires en vue de créer un climat favorable et décanter la situation. Le parti FNR demande aux partenaires, spécialement ceux qui représentent le pays et ceux des organisations internationales, de constater et consolider les efforts que l'État a déjà consentis, notamment en matière de gouvernance, et appuyer par conséquent de façon très visible en mettant en application leurs promesses, surtout que le Burundi n'est plus sous sanction. Eh bien, la culture des avocatiers ne peut pas être une solution à la rareté de devises dans le pays, comme l'a récemment déclaré le secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, propos de Faustin Dikoumana, directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et évolution des mentalités par SEM. Dans une conférence de presse qu'il a animée ce vendredi, Faustin Dikoumana a indiqué que le Burundi ne pourra pas arriver sur son émergence, et son développement sans le soutien des pays amis. La culture de l'avocat, moi je l'ai dit, mais sous le président Nkurunziza, on a tenté. Où sont les résultats? Et encore une fois, de telles annonces, il faut les attendre à partir des démonstrations concrètes, des études de projets concrets qui pourront prouver ça au niveau du ministère de l'Agriculture. Ce n'est pas une annonce comme ça. Et en attendant, il faut relancer la coopération et la mobilité des ressources. Celui qui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour disposer de visas actuellement en urgence. Même la coopération et la mobilisation des ressources, c'est l'un des piliers du PND, de la vision. Tout y est normalement. La mauvaise des finances publiques, s'il n'y a pas de changement de comportement. Accepter la transparence dans la gestion des finances publiques. L'affectation budgétaire. Le contrôle des institutions comme la Cour des comptes. Dans les ministères, il faut que les ministres soient redevables. Les hauts cadres de l'État soient redevables devant les institutions comme la Cour des comptes. Mais si on continue tel qu'aujourd'hui, gérer dans l'opacité, sans contrôle, et ça c'est un comportement qui peut vraiment faire le lit dans des courages économiques dignes de son nom. Non. Encore plus au niveau de la mesure de financement. On veut tendre vers l'émergence. C'est au stade de l'émergence où un pays se donne le luxe de se passer de la République au développement. On attendait l'émergence en 2040. Mais on dit qu'on commence à se passer de la coopération de la République au développement. Au départ même de la mise en application de la vision. C'est contradictoire. On ne peut pas décroire qu'on relègue au second plan la recherche scientifique, les études des experts. Il faut des décisions qui se fondent sur les études, la recherche des experts. La balance commerciale du Burundi a été déficitaire depuis longtemps. Et ce n'est pas pour demain que la balance commerciale du Burundi sera excédentaire ou même équilibrée. Il faut quand même une stratégie. De disposition des devises. On ne peut pas attendre l'investissement dans le café, l'avocat, pour étancher le problème actuel. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos plateformes sociales, sur Facebook c'est Radio Télévision Isanganiro et sur X c'est RT Isanganiro. Page sécurité, un membre du conseil communal de Bugendana en province Gitega a été tué, fusillé dans la nuit de ce samedi à dimanche par des inconnus. La police indique que des enquêtes sont en cours, mais comme selon elle, des cas de meurtre à main armée de fusil n'étaient plus d'actualité à Gitega, elle demande à toute personne de Bugendana qui aurait une information qui favorise la réussite de ces enquêtes, de la fournir aux enquêteurs pour identifier les auteurs afin d'éviter la reproduction de tels meurtres. Gérard Nibigira. Les informations provenant de la colline Mugitega, commune Bugendana, province Gitega, et confirmées par la police à Gitega, font savoir que la victime s'appelle Habonimana François Xavier. En politique, il était membre du conseil communal de Bugendana et par rapport à sa profession, il était enseignant à l'école fondamentale de Nyakeru dans la même commune. Et en dehors de cette fonction, il détenait un bistrot 6 à sa colline d'habitation Mugitega. Les mêmes informations précisent que la victime a été tuée par balle tirée par des personnes non encore identifiées une fois arrivé à son domicile vers 22h de la nuit de ce samedi à ce dimanche. Il laisse une veuve et quatre orphelins. Le chef de la colline Mugitega, Nizgimana Joseph, dit que fait Habonimana François Xavier cohabitait bien avec le reste de la population et ses proches demandent à la police de mener des enquêtes fouillées pour pouvoir identifier les auteurs de son assassinat en exploitant le maximum d'informations et de preuves qui seraient à sa disposition. De son côté, le commissaire provincial de la police à Gitega, colonel de police Evariste Habogorimana, promet que la police mènera des enquêtes approfondies, surtout que les cas de meurtre par balle ou grenade avaient cessé d'exister en province de Gitega pendant une longue période. Ainsi, il demande à tout habitant de la commune Bugendana qui aurait des informations ou des preuves pouvant permettre la réussite de ces enquêtes le plus rapidement possible d'approcher les officiers de police et judiciaire qui sont en train d'enquêter sur cet assassinat pour les leur fournir. Et à la population de la province de Gitega en général, il demande une vigilance intransigeante en dénonçant toute personne soupçonnée. Depuis Gitega, Jeanne Bigila pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Sécurité toujours, en bref, un homme âgé de 60 ans a été assassiné non loin de son domicile dans la soirée de vendredi à samedi sur la colline de Butaramuka, commune Mongina de la province Chibitoke. Selon le chef de cette colline, il avait passé la soirée à partager un verre avec ses amis dans un bistrot. Diomède Ndikulio indique que son corps a été retrouvé à côté de la route, la tête coupée. Ce chef de colline fait savoir que l'identité des malfaiteurs n'est pas encore connue. Ses administratifs à la base annoncent par ailleurs que des enquêtes sont en cours. La police indique que 4 personnes ont déjà été arrêtées. Diomède Ndikulio exhorte la population à collaborer davantage avec les forces de sécurité. Les habitants et les voisins se disent indignés et terrifiés par la mort d'un citoyen qui, selon eux, était paisible, bien connu et dans l'entourage. Ils demandent que justice soit faite. Et les Burundais en général et les jeunes en particulier sont appelés à être caractérisés par le véritable amour, comme l'ont témoigné les 40 jeunes séminaristes d'Obuta devant les assaillants. Cet appel a été lancé ce dimanche au sanctuaire de ces martyrs de la fraternité par Mgr Léonidas Niteleka, vicaire général du diocèse de Bururi. C'était à l'occasion de la célébration du 27e anniversaire de l'assassinat de ces jeunes du petit séminaire Saint-Paul d'Obuta qui avaient refusé d'obéir à l'ordre de se séparer ou tout et tout. C'est non, Nzambimana. Selon le vicaire général du diocèse catholique de Bururi, 50 jeunes séminaristes de Buta sont restés dans l'amour jusqu'à mourir ensemble devant les assaillants grâce à la force du Christ qui a remporté sur la mort et qui est source de la vie. Mgr Ndasi Niteleka l'a dit ce dimanche dans son homélie au sanctuaire de ces jeunes séminaristes. C'était à l'occasion de la célébration du 27e anniversaire de l'assassinat de ces enfants martyrs de la fraternité. Mgr Ndasi Niteleka appelle les Burundais à être des apôtres qui enseignent l'amour du Christ afin de contribuer dans la construction du royaume de Dieu et aux jeunes dans leurs activités quotidiennes à prendre son modèle de 50 séminaristes de Buta qui sont morts dans la fraternité. Mgr Ndasi Niteleka appelle aussi les responsables d'être radisés par la rectitude pour servir la population afin de gagner sa confiance. Selon lui, le bâtisseur de la paix contribue aussi dans la construction du royaume de Dieu. Vous saurez que c'est cérémonie ont vu la participation de Mgr Gervas Nyaisango, évêque du diocèse catholique d'Ombeya en Tanzanie. Depuis le petit séminaire Saint-Paul de Buta, Zeno Nzambimana pour la radio Isanganiro. Merci Zeno. Et pour boucler cette édition, plus de 1700 naissances ont été enregistrées à l'état civil de la commune Kayanza en province Kayanza dans les 2 dernières semaines. Les habitants de cette commune disent apprécier le délai de grâce leur accordé par le ministre de l'Intérieur, mais ils se lamentent qu'ils passent beaucoup de temps en attente avant d'être accueillis. Il demande que le nombre des chargés du service d'état civil soit augmenté. Godefroy Nyonizigiye, administrateur de la commune Kayanza, trouve qu'il est encore tôt de le faire, mais assure qu'ils augmenteront ce nombre lorsque les enregistrements n'auront pas touché à leur fin à l'approche de l'expiration du délai. Patrick Nsengiyoum va pour plus de détails. Les données chiffrées fournies par le bureau de l'état civil en commune Kayanza montrent que depuis le 12 au 26 courant, 1747 naissances ont été enregistrées, dont 864 garçons et 841 filles. Les habitants de la commune Kayanza contactés lorsque nous les avons rencontrés au bureau d'état civil en commune Kayanza disent qu'ils apprécient le délai de grâce leur accordé par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire pour faire enregistrer des enfants non enregistrés à l'état civil. Ils disent d'ailleurs être au courant des conséquences de ne pas faire enregistrer bien-être des enfants à l'état civil, dont parmi elles le non-accès à la gratuité des soins de santé et à la gratuité aussi de la scolarité. Toutefois, ces habitants de la commune Kayanza qui ont répondu à l'appel du ministre de l'Intérieur font savoir qu'ils passaient beaucoup de temps au fil d'attente avant d'être accueillis par les chargés du service d'état civil en commune Kayanza, ce qui fait d'après eux qu'ils perdaient du temps pour exercer d'autres activités de développement chez eux, dans leur famille. Ils demandent à l'administration communale Kayanza de faire en sorte que les chargés d'enregistrement des naissances en commune Kayanza soient multipliés pendant cette période et de grâce leur accordée. Contacté à ce propos Godefroy Nionizigui, administrateur communal Kayanza, celui-ci nous a fait savoir qu'il est encore tôt pour le faire, mais appelle plutôt les familles qui ont des naissances qui ne sont pas enregistrées à l'état civil à le faire avant que ce délai de grâce soit expiré. Vous saurez que ce délai de grâce va du 17 avril au 15 mai, comme on le trouve dans l'ordonnance des ministres de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire qu'il a adressé au gouverneur des provinces en date du 17 courant. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci et Patrick Nsengiyumva. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous qui l'avez écouté avec intérêt. À la présentation, vous étiez avec Doré Bingabilé, Akimana François assurait la mise en onde. Bonne fin de soirée et de semaine aussi. Au revoir.